Nous sommes le 22 février 2020. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Soyez tous les bienvenus à l'écoute de ce journal de la mi-journée dont voici les titres. L'ignorance de la loi en matière de l'impôt est un défi majeur auquel fait face l'Office burundais de recettes dans ses activités de collecte d'impôts. Et le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions appelle différentes autorités, dont celle de l'administration, à travailler en synergie pour lutter contre la fraude du café pendant cette période où la campagne 2020-2021 commence. Et la Direction générale pour la protection de l'environnement appelle les habitants de la province Tchamouzo à la protection de l'environnement afin de préserver les sources d'eau de la colline Gatungugwe. Voilà pour les détails. Alphonse Koubguimana est à la cabine technique et Moïse Misago est à la présentation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sécurité pour commencer ce journal. Des hommes à main armée non encore identifiés et dont le nombre n'est pas encore connu ont attaqué la nuit de ce samedi les domiciles des Blancs à l'hôpital de Kiwi en commune de Kirasazi de la province Gitega. Selon la police, dans cette province, un de ces hommes a été tué et fusillé lorsqu'il tentait de prendre le fusil d'un policier et un autre a été attrapé. Un des Blancs a été blessé par ces présumés criminels à l'aide d'un objet, ajoutait la police. Une des voitures de ces hommes a été saisie et la somme d'argent volée n'est pas encore connue, mais des enquêtes sont en cours, précise toujours la police de Gitega. Agriculture à présent, des préparatifs de la campagne café 2020-2021 se déroulent différemment dans deux usines à café situées en zone Mubuga, commune et province Gitega. À l'usine de l'Office de développement du café, ODK, aucun préparatif, comme le témoignent ses anciens ouvriers. Mais à l'usine de la coopérative Rumuri Mumigwa, les préparatifs se déroulent bien, indique le président de la dite coopérative, les précisions avec Gérard Nibigira. Deux usines à café sont enregistrées dans la zone Nemubuga, commune et province de Gitega. Il s'agit de celles appartenant à la coopérative Rumuri Murimigwa des caféiculteurs de cette zone. Il s'agit aussi de celles de l'Office de développement du café ODK. Au départ, elle était du ressort de la société de gestion des stations de lavage du café de la région naturelle de Kirimiro avant la remise de la filière café dans les mains de l'État. À cette usine de l'ODK de Mubuga, aucun préparatif d'accueil du café cerise ne se fait, sauf que le chef de l'usine est sur place, mais il s'est réservé le droit de répondre à nos questions car il n'en avait pas l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques. Cela étant, hormis concerter des anciennes manœuvres de cette usine, disent que les préparatifs relatifs à la campagne café 2020-2021 devraient concerner le débroussaillage des enceintes de l'usine, la réhabilitation des tables de séchage du café, la réhabilitation du canal d'eau de lavage du café et le contrôle du groupe électrogène de l'usine. Ils ajoutent ce pendant qu'il n'est pas tard, du moment qu'il y a encore 3 semaines pour que le café soit mûr et prêt à être vendu et acheté dans les usines de la région. Mais à l'usine à café de la coopérative Rumuri Murimigwa assise à la colline et Mirama, les préparatifs se déroulent bien, comme l'explique le président de cette coopérative, Kwizera Lambert. Il dit que le débroussaillage a été déjà fait, les tables de séchage du café sont réhabilitées et le réseau de l'eau de gravitation et le groupe électrogène ne nécessitent que quelques réparation de courte durée. De leur côté, les membres de cette coopérative affirment que cette usine a mis fin au long trajet qu'ils effectuaient avant sa construction en acheminant le café cerise à l'actuelle usine de l'ODK de Mubuga à une distance d'environ 10 km. Cette coopérative compte 252 membres et ses activités ont démarré en 2014. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Et le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage appelle les autorités administratives et policières et la population à travailler en synergie pour lutter contre la fraude du café. Le ministre l'a dit ce jeudi lors du lancement de la campagne café 2020-2021. Deugui Deurema indique que pour cette saison, la production du café sera collectée par les stations de lavage de l'État qui étaient jadis exploitées par les Sogestal. Je propose de le suivre. Il est traduit en français par Aubin Nyonghur. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, et à travers le nouvel Office pour le développement du café au DECA, compte renforcer son appui aux caféiculteurs dans tous les secteurs. Ici, je vous annonce que l'État va utiliser ses propres stations de lavage qui étaient jadis exploitées par les Sogestal, et toutes ces stations de lavage ont été remises officiellement à l'Office pour le développement du café au DECA dans l'objectif de commencer à collecter la production du café de cette saison 2020-2021. Le gouvernement du Burundi salue toutes les personnes qui se sont données corps et âme pour le bon déroulement de ces activités. Le gouvernement, à travers l'organe ODECA, fait son mieux pour que ces stations de lavage soient fonctionnelles afin que la production des caféiculteurs soit reçue sans faille. C'est dans ce cadre que le gouvernement burundais souhaite continuer à collaborer avec les organisations privées qui interviennent dans le domaine du café, mais qui sont capables techniquement et financièrement avant le début de ces travaux. Nous remercions encore une fois les initiatives de tout un chacun pour développer le domaine du café. Et nous appelons les autorités administratives, policières, judiciaires et la population de travailler ensemble pour lutter contre la fraude du café pendant cette période où la production commence à être collectée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Économie à présent, l'ignorance de la loi en matière de paiement de l'impôt locatif par certains des contribuables est un des défis rencontrés par les agents de l'Office burundais des recettes lors de la collecte de ces impôts. Joseph Ndaïzeye, chef de service de collecte de l'impôt locatif à l'OBR, dit qu'à ce moment, des explications s'imposent à ses contribuables. Cela est ainsi au moment où le 31 mars de cette année est la date limite du paiement de ces impôts locatifs, exercice 2019. Suivez-les au micro de Jean-Marie Mayonga. Les problèmes qui se posent normalement sont de nature à connaître la loi qui régisse cet impôt. Parce qu'il y a certains contribuables qui ne déclarent pas correctement. Et alors, quand ils ne déclarent pas correctement, on doit les redresser. Parfois, le contribuable, par la méconnaissance de la loi, déclare moins. Et lorsqu'il déclare moins, à base de sa déclaration et à base des documents qui sous-tendent sa déclaration, nous devons le redresser, c'est-à-dire l'imposer, l'impôt qui devrait être payé. Et parfois, il y a des réticences, mais là, quand même, la loi a prévu un mécanisme de recours. S'il y a un contribuable qui n'est pas satisfait, il doit s'adresser à notre échelon supérieur et jusqu'à ce qu'on trouve l'impôt réellement qu'il doit payer. Et la loi que nous utilisons a tout prévu. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un contribuable qui n'a pas fait sa déclaration et qui n'a pas payé l'impôt dû une année, deux ans, nous procédons au contrôle. S'il y a un contribuable qui n'a pas déclaré, pour l'année qui suit ou au moment où nous faisons le contrôle, nous lançons les avis de vérification. Parce que la loi que nous utilisons prévoit que le droit de rappel dans l'impôt locatif est de 4 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 4 ans. Si le contribuable n'a pas reçu ni l'avis de vérification, là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir prescription de cet impôt. Donc, c'est là où nous devons être vigilants pour lancer des avis de vérification, pour arrêter la prescription, mais également de procéder à la vérification et établir l'impôt que le contribuable doit payer. Environnement à présent, environ 15 000 plants d'arbres ont été plantés ce samedi sur la montagne d'Inhona de la colline Gatungugu en commune et province Yanguzo qui regorge beaucoup de sources d'eau, souvent menacées par les feux de brousse. Le directeur général de l'Office national pour la protection de l'environnement indique que ces activités ont été organisées dans le but de préserver ces sources d'eau qui regorgent cette montagne. Il demande à la population de ne plus brûler cette montagne, Raymond Mudende. Cette montagne de Vingona est située à peu près à 3 km du chef-lieu de la province Chankuzo. C'est dans cette montagne où s'effectue le captage des sources d'eau de la régie des eaux qui alimente le centre de Chankuzo. Cette montagne a été malheureusement dévastée par l'effet de brousse à telle enseigne qu'il reste des pierres seulement sans aucun arbre. C'est pourquoi cette montagne a été priorisée dans le projet Ewe-Burundu-Lambaye qui vise la protection de l'environnement via le reboisement des espaces découverts. Même la commune de Chankuzo, Yamidi Pake, banque en payant de l'argent aux familles évacuées qui aident dans le creusement des trous. Ce samedi, les scouts de Changuzo, associés à la population venue des autres communes de la province de Changuzo, ont planté près de 15 000 arbres. Perkimasi Atungimana, directeur général de l'Office national pour la protection de l'environnement, s'était associé à cette activité. Il a demandé avec insistance à la population de préserver les sources d'eau de cette montagne en évitant le pâturage et l'effet de brousse. Il a tenu à montrer qu'à force de brûler les arbres de cette montagne, les sources d'eau vont tarir, d'où le manque d'eau. Les activités de reboisement de cette montagne sont organisées chaque jeudi et chaque samedi et l'administration s'y investit énormément. Et d'ici la fin de ce mois de février, ces activités seront clôturées. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Parlant de la nutrition, l'igname est à la fois un tubercule et une plante herbacée grimpante qui pousse dans les régions tropicales. Selon l'infirmier nutritionniste Jean-Paul Ouineza, l'igname est originaire de l'Afrique, de l'Ouest, de l'Amérique tropicale et de l'Asie. Jean-Paul Ouineza explique qu'il existe plusieurs variétés d'igname selon la disposition de leurs feuilles et la couleur de leur chair. Il signale qu'on peut la cuire sans éplucher. La chronique nutrition avec Festine Boutoy. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique tropicale et de l'Asie, l'igname est à la fois un tubercule et une plante herbacée, grimpante, appartenant à la famille des Dioscoréacées. Selon Jean-Paul Ouineza, infirmier nutritionniste, l'igname pousse dans des régions tropicales. Elle apprécie les sols frais, profonds, légers et riches en humus, mais également bien drainés, ainsi qu'une exposition au soleil. Jean-Paul Ouineza signale qu'au Burundi, les ignames se cultivent dans les régions naturelles d'Imbo et Kilimiro. L'igname est un tubercule de différentes plantes grimpantes, d'Ijar, Diascoria, notamment de la Diascoria alataelle, qui appartiennent à la famille des Dioscoréacées. L'igname pousse normalement dans les régions tropicales comme l'Imbo et aussi les régions d'Okilimilo. L'igname est d'origine asiatique, très cultivée dans l'ouest de l'Asie et aussi en Afrique de l'Ouest. Les variétés des ignames sont nombreuses et se diffèrent par la section et l'aspect extérieur des tiges, par la forme des feuilles et leur disposition sur la tige, mais aussi par la couleur de leur chair. Jean-Paul Ouineza l'explique. Les ignames sont en plusieurs espèces. Fermat 3, ou une importante économique. Le Diascoria retundata, originaire d'Afrique ouest, lata, qui a été domestique en Asie et puis propagé dans toute la zone tropicale car sa culture est moins exigeante. Il y a une autre sorte qu'on appelle Trifidant qui provient de la région amazonienne et elle est très cultivée dans cette région. On peut différencier les ignames par leur couleur. Il y a des ignames qui ont de la chair qui est très branchate et aussi de la couleur jaune, brune, grise. On peut même les différencier par les dispositions de leurs feuilles. Cet infirmier nutritionniste précise que la cuisson de l'igname peut se faire de diverses manières, dont celle de la cuire avec son écorce. La bonne manière de préparer l'igname, c'est de cuisiner l'igname. Habituellement, elle peut être grillée au four, bouillie. En Afrique occidentale, les ignames sont cuites pour élaborer une sorte de purée et très appréciée. Et ça peut se préparer en cherchant de la forme aussi de gâteau. Et aussi, ça peut se préparer pour le potage en utilisant beaucoup de légumes. L'igname peut se préparer sous forme de sauté et peut se préparer sous forme de frites. Lors de la prochaine chronique, nous vous parlerons de l'importance de la consommation de l'igname ainsi que les catégories des personnes qui devraient s'en nourrir. Actualité internationale. Hors de nos frontières au Togo, la population a été appelée aux urnes ce samedi pour élire leur président de la République. Et ce samedi même, les États africains ont élaboré une stratégie face au coronavirus constaté en Chine. Et enfin, au Rwanda, le chanteur Kizito Mihigo, décédé le 17 février, a été enterré à Kigali, comme c'est écrit sur RFI Ornella Mucho. Au Rwanda, les cérémonies funérailles de Kizito Mihigo ont eu lieu ce samedi à Kigali, rassemblant de nombreux Rwandais. Comme c'est écrit sur la RFI, sous la pluie, plus de 1000 personnes étaient venues à l'enterrement. Selon toujours la RFI, des membres de l'opposition étaient également présents, Diane Guigala ou encore Victoire Ingabire. Lors de ces cérémonies, il n'y a pas eu de déclaration officielle du gouvernement rwandais, mais ce jeudi, un ministre avait dénoncé sur Twitter des récupérations politiques de la la mort du chanteur, accusé de lien avec des groupes rebelles en Éthiopie. Les ministres africains s'étaient réunis samedi à Addis Abeba et se sont convenus de travailler ensemble pour un partage d'informations et de surveillance des mouvements des personnes pour lutter contre le coronavirus. Selon la BBC Afrique, ils ont évoqué un seul cas de coronavirus qui a été enregistré en Égypte. Le directeur général de l'OMS, lors d'un briefing au siège de l'Union africaine, a annoncé que le directeur du Centre africain pour la prévention et le contrôle des maladies, ainsi que le directeur général du Centre pour le développement des vaccins au Mali, ont été nommés envoyés spéciaux pour la réponse africaine de cette épidémie. Enfin, au Togo, plus de 3 millions d'électeurs togolais étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire le président de la République. Selon la BBC Afrique, au pouvoir depuis 2005, le président de ce pays était autorisé à se présenter une nouvelle fois en vertu de la nouvelle constitution. Également, l'ancien chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, s'était présenté pour une troisième fois. Merci Ornella Mucho. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana pour sa collaboration technique. Au revoir.